Bienvenue à Méloman, une émission pour les fous de la musique. Vous êtes à l'antenne de CFNJ 99.1. Mathieu Lajoie au micro pour vous servir. Deuxième édition de Méloman, ce mercredi 2 septembre 2015. Écoutez, on a eu plein de beaux commentaires concernant l'émission de la semaine passée, par téléphone, par courriel, via Facebook. Et j'aimerais prendre le temps de vous dire un gros merci. Vraiment, c'est très encourageant. On m'a dit plein de belles choses, comme par exemple quelqu'un qui me dit lui avoir fait découvrir un artiste sous un autre angle, des gens qui me disent leur avoir rappelé des bons souvenirs, ou des gens encore qui pensaient pas pouvoir passer la barre des 22 heures parce qu'ils se couchent tôt en semaine et qui ont pas pu s'empêcher d'écouter l'émission jusqu'à minuit pour savoir ce que j'allais faire jouer. Écoutez, merci beaucoup, ça va droit au cœur, je donne parce que j'aime. Le but premier de Méloman, c'est ça, c'est de partager à travers la musique. D'ailleurs, je pense que ça va être ça le gros drame à Méloman. Il y a des fois comme ce soir où je vais vraiment insister pour que vous me suiviez jusqu'à minuit. Il y a des petits bijoux jusqu'à 23h59. Je vous dis, faites-moi confiance. Je me demande même si on va avoir le temps de tout passer. Ça va être encore meilleur que la semaine passée. Hit par-dessus hit. J'espère vous communiquer tout le plaisir que j'ai eu à préparer l'émission. Prenez la date en note. On parle de Jukebox avec Van Morrison et son groupe Them en 1966 avec une reprise. James Brown, attention, une reprise de James Brown. CFNJ 99.1. Toujours à Mélomanes au 99.1 et 88.9 dans tout Lanaudière. Bienvenue à ceux qui viennent de joindre à nous. Donc, on a commencé avec un bloc un peu plus musclé, un rock plus garage typique des années 60. Et on voit que ça se passait dans plusieurs pays au même moment. On a vacillé entre 66 et 67. Et on a entendu, mine de rien, de la musique nous provenant respectivement d'Irlande, de France et d'Angleterre. Une musique qui va grandement influencer toute la vague punk qui va naître principalement en Grande-Bretagne quelques 10 ans plus tard. Alors, il s'agissait du groupe irlandais Them qui nous a fait connaître l'unique Van Morrison avec une reprise de Out of Sight de James Brown en 1966. Une des seules, sinon la seule reprise de James Brown que j'ose trouver supérieure à l'original parce que du James Brown, c'est beaucoup trop unique pour s'y attaquer habituellement. Van Morrison va démarrer sa carrière solo qu'on connaît mieux avec la chanson Brown Eyed Girl. Un an plus tard, il sera parti pour la gloire dès lors. Ensuite, la grande gueule à Jacques Dutronc, icône française des 60s qui va en épouser une autre, Françoise Hardy. En fait, il commence à se fréquenter en 67, l'année des cactus qu'on vient d'entendre ici, et ils vont se marier beaucoup plus tard dans les années 80. Naîtra de leur union Thomas Dutronc, lui aussi auteur-compositeur que vous connaissez peut-être. Quand même une belle histoire d'amour qui dure depuis maintenant 48 ans, c'est digne de mention, et on ne se le cachera pas, quand même assez rare dans ces milieux-là. Sinon, Dutronc, très influencé par Dylan, comme bien des artistes de l'époque, d'où le petit côté punk. Et ensuite, c'était les Troggs, les Troglodytes, groupe garage par excellence avec With a Girl Like You en 66, un groupe anglais qui va nous donner d'autres classiques comme Wild Thing ou Love Is All Around. On continue, toujours dans un son très garage, mais au Québec, cette fois-ci avec les Têtes Blanches, pour mieux connus sous le nom des Oolops en 1966, avec Pour toute la vie sur les ondes de CFNJ 99.1.

God. What you say? There's not a man today who could take me away from my God. Tell me more. There's not a man today who could take me away from my God. Vous êtes en compagnie de Mathieu Lajoie au 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mélomane et on vient tout juste d'entendre un classique de la période du Motown, My Guy, une composition de Smokey Robinson interprétée par la première chanteuse de Motown, Mary Wells, en 1964. Le Motown, un autre style très riche qu'on pourra approfondir à Mélomane. Vous allez voir, vous allez en connaître beaucoup. On n'appelait pas le studio de Détroit l'usine à succès pour rien, un style qui a grandement influencé les Beatles, entre autres. Juste avant, la même année, Betty Everett avec The Shoop Shoop Song, It's in His Kiss, une chanson qui sera reprise par beaucoup d'artistes, mais on note particulièrement la version de Cher en 1990 pour le film Mermaids ou Sirènes aux côtés de Winona Ryder et la toute petite Christina Ricci à ce moment-là. La chanson va redevenir un succès grâce au film. Et on parlait des Beatles tantôt. Eh bien, il se passait bien des choses au moment où les Beatles étaient au sommet des palmarès. Mais comme vous en doutez, malheureusement, les groupes du temps sont souvent restés dans l'ombre. Pas difficile de comprendre pourquoi. Et c'est pas faute d'avoir été tout à fait excellent comme les Kinks qu'on a entendu avec Sunday Afternoon en 1967. Et on enchaîne avec une chanson que vous connaissez sûrement, une belle cha-cha, 1960, Brian Allen au CFNJ. 99.1. She was afraid to come out of the locker. She was as nervous as she could be. She was afraid to come out of the locker. She was afraid that somebody would see. 2, 3, 4, tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini. She wore for the first time today an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini. So in the locker she wanted to stay. 2, 3, 4, stick around, we'll tell you more. She was afraid to come out in the open, and so a blanket around her she wore. She was afraid to come out in the open, and so she sat bundled up on the shore. 2, 3, 4, tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini. So in the blanket she wanted to stay. 2, 3, 4, stick around, we'll tell you more. Now she's afraid to come out of the water, and I wonder what she's gonna do. Now she's afraid to come out of the water, and the poor little girl's turning blue. 2, 3, 4, tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny. Tell you about the birds and the bees and the flowers. And about the birds and the bees and the flowers and the trees and the moon up above and a thing called love. Let me tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees and the birds and the bees and the flowers and the trees about the birds. C'est le fruit de notre amour que je porte dans mes bras. C'est l'enfant de souvenirs, souvenirs qu'on n'oublie pas. C'est le fruit de notre amour, c'est celui qui m'a donné le courage chaque jour. Depuis que tu m'as quitté, tu ne pourras jamais le fleurir de tes mains. Car si tu m'as quitté, l'enfant lui m'appartient. C'est le fruit de notre amour que je porte dans mes bras. Souvenir de notre amour, souvenir qu'on n'oublie pas. Car si tu m'as quitté, l'enfant lui m'appartient. C'est le fruit de notre amour que je porte dans mes bras. Souvenir de notre amour, souvenir qu'on n'oublie pas. De retour à Mélomane au 99.1 CFNJ. Bienvenue à ceux qui viennent de joindre à nous. Moira, c'est le fruit de notre amour en 1964, c'est ce qu'on vient d'entendre. Et juste avant, la même année, The Birds and the Bees de Jewel Atkins, précédé de, attention, Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini de Brian Island, que vous connaissiez sûrement peut-être dans sa version d'Alida. Un petit plaisir qu'on s'offre à Mélomane, c'est de passer des artistes dont on ignore le nom, mais dont les chansons ont tout de même traversé le temps. Communément appelés les One Hit Wonders, ou si vous voulez, les merveilles à un seul succès. Bref, des petits bijoux qui menacent de tomber dans l'oubli qu'on va s'efforcer de faire vivre à Mélomane. On fait maintenant un bond dans les années 70 avec une de ces merveilles à un succès, justement. Si je vous dis Leo Sayer, vous allez me dire « connais pas ». Mais si je vous mets ceci, vous allez connaître assurément le gros succès de 1976, « You Make Me Feel Like Dancing » au 99.1. Just snap your fingers and I'm walking. never been away, hey. Never seen a day break. Leaning on my pillow in the morning. 1 et 88.9 CFNJ. Juste wow, Richard Cocciante sur les ondes de CFNJ 99.1 avec « Si j'étais » en 1976. Encore une pièce à part où on sent qu'il se passe quelque chose. J'espère que je réussis à vous transmettre ce que je ressens parce que moi, en tout cas, j'ai le poil qui me lève sur les bras quand j'entends de la belle musique comme ça. En passant, vous saviez peut-être que Richard Cocciante est italo-français, mais je ne sais pas si vous saviez qu'il est né à Saigon au Vietnam, donc ça fait de lui techniquement un Vietnamien. On en apprend tous les jours, et vous, vous l'aurez appris à Mélomane. Allez voir ça, Richard Cocciante, dans les années 70. C'est un autre Richard Cocciante. Sinon, juste avant, Sweet, en 1978, groupe Glam Rock, qui nous ont aussi donné l'énorme Ballroom Blitz, et le One It Wonder Pilot avec Magic en 1974, une chanson qu'on n'entend plus beaucoup à la radio, et qu'on se fait une fierté de vous faire jouer à Mélomane. Il y a beaucoup trop de bonne musique à venir pour que je parle comme ça. On enchaîne tout de suite avec une chanson qui me fait penser à ma mère qui s'appelle Céline. Et oui, que voulez-vous? Hugo Frey en 66 sur les ondes de CFNJ. Dis-moi, Céline, les années ont passé. Pourquoi n'as-tu jamais pensé à te marier? De toutes mes sœurs qui vivaient ici, tu es la seule sans mari. Non, non, non, ne rougis pas, non, ne rougis pas. Tu as toujours de beaux yeux. Everybody look what's going down.

30 ans. CFNJ 89.1. Prochaines heures dans le centre et le sud de la région, on a quelques nuages et un minimum de 19 degrés. Ensoleillé pour mercredi, maximum de 30. Et ensoleillé aussi pour jeudi et vendredi avec quelques nuages, maximum de 27 jeudi, de 24 pour vendredi. Et les secteurs du nord, Saint-Michel et Saint-Zénon, quelques nuages cette nuit, un minimum de 17. Mercredi ensoleillé devenant alternance de soleil et de nuages en mi-journée, averse en soirée, maximum de 27 et retour du soleil pour jeudi, maximum de 26. CFNJ 89.1. Mathieu Lajoie, l'antenne de CFNJ 99.1 et 88.9, comme viennent de le chanter les madames, vous écoutez Méloman. On vient tout juste d'entendre un bloc où on a avancé d'un an par chanson. Hugues Aufray en 66, Buffalo Springfield en 67 avec For What It's Worth. Buffalo Springfield, groupe au sein duquel on retrouve Stephen Stills de Crosby, Stills & Nash et nul autre que l'Ontarien Neil Young que vous connaissez assurément. Neil Young qui va d'ailleurs s'ajouter à un moment donné au groupe de Stephen Stills qui va devenir l'espace d'un album Crosby, Stills, Nash & Young. Et ensuite, deux véritables hymnes de la fin 60, Going Up the Country du groupe Canned Heat, littéralement chaleur en canne. La chanson va devenir presque un genre d'hymne national pour évidemment le mouvement hippie du temps. Mais la chanson s'adresse plus précisément à, on pourrait dire, la branche plus rurale du mouvement, là, ceux plus axés sur un retour à la terre. C'est un peu le cas aussi de Spirit in the Sky de Norman Greenbaum, 1969, qu'on a entendu juste après. Quoique Spirit in the Sky frôle presque le rock chrétien, mais ça, c'est une autre histoire. Ce qui est le plus surprenant, c'est que Norman Greenbaum est un juif orthodoxe pratiquant et son seul succès mondial a un thème chrétien. Quand même ironique. Mais le plus important, c'est la guitare de l'intro instantanément reconnaissable, un riff bluesé un peu comme la grange de ZZ Top 4 ans plus tard, un riff de guitare que ZZ Top avait eux-mêmes pris de Johnny Hooker. Bref, encore une merveille à un succès ou One Hit Wonder comme on en a parlé plus tôt. On continue notre voyage avec une pièce instrumentale de 1961 des Marquis, un groupe de l'étiquette Stax de Memphis. Et un succès traduit de l'espagnol pour Jeannette en 1976. Tout ça sur les ondes de CFNJ 99.1. We'll be right back. yeux écarquillés sur l'infini. Tu es prisonnière de ta maison, de tes parents, de cet adulte qui te dit qu'il a raison. Pour la lumière, pour tes pays, peuple de rois. Et tu te demandes dans ta nuit de prisonnière, pourquoi tu vis et où tu vas. Pourquoi tu vis et où tu vas. Tu ne ni de bateau pour t'en aller. Les illusions qui restent sont comme un radeau qui va couler. Et pourtant tu veux de tout ton corps, de tout ton cœur, briser enfin le noir et blanc de ton décor, vivre en couleur. Tu es né pour la folie, pour la lumière, pour tes pays, peuple de rois. Et tu te demandes dans ta nuit de prisonnière, pourquoi tu vis et où tu vas. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. CFNJ qu'il me restera quelque chose dans le frigidaire. Je prendrai le métro, je fermerai ma gueule, puis je laisserai faire. Mais y a quelque chose qui me dit qu'un beau matin, ma Rosalie, on mettra du beurre sur le pain. Moi qu'avais des belles îles, des buts et des sillons, me v'là perdu en ville, tout seul dans des millions. Je vis sur les autobus, au Pizza King du coin. Les gens me parlent pas plus que si j'étais un chien. Tant qu'il me restera quelque chose dans le frigidaire, je prendrai le métro, je fermerai ma gueule, puis je laisserai faire. Mais y'a quelque chose qui me dit qu'un beau matin, ma Rosalie, on mettra du beurre sur le pain. Une chance que toi qui m'aimes, assez pour m'endurer. C'est comme pendant le carême, quand je volais des candés. Je me considère loqué d'avoir ma Rosalie. La ville est polluée, l'air est pur dans mon lit. Tant qu'il me restera quelque chose dans le frigidaire, je prendrai le métro, je fermerai ma gueule, puis je laisserai faire. Mais y'a quelque chose qui me dit qu'un beau matin, ma Rosalie, on mettra du beurre sur le pain. Je suis naufragé en ville, chez une bande inconnue. Rosalie, t'es tranquille, puis tu chantes même plus. Je travaille pour pas grand chose, on vieillit comme des fleurs. Nos seuls bouquets de roses, c'est les lettres du facteur. Tant qu'il me restera quelque chose dans le frigidaire, je prendrai le métro, je fermerai ma gueule, puis je laisserai faire. Mais y'a quelque chose qui me dit qu'un beau matin, ma Rosalie, on s'en tournera de ses ennuis. Tant qu'il me restera quelque chose dans le frigidaire, à Mélomanes à l'antenne de CFNJ 99.1 et 88.9. On vient d'entendre Tex Le Corps et son méga succès Le Frigidaire de 1971. Je dis méga succès, j'ai peut-être l'air d'exagérer un peu, mais pas tant que ça. Le Frigidaire, une chanson composée par George Langford, un auteur-compositeur des Îles de la Madeleine en passant, a été enregistré dans plus de 10 langues et on dit dans la biographie de Tex Le Corps que tout ça lui a offert, et je cite, « une sécurité financière suffisante ». Donc tant mieux pour Tex Le Corps, personnage fort sympathique qui est aussi un artiste peintre très accompli qui a aujourd'hui 82 ans. Moi, ce que je me demande, c'est si la compagnie Frigidaire a eu son mot à dire là-dedans. En tout cas, juste avant, c'était Emmanuel avec l'excellente Le Monde à l'envers de 1973, écrite par Stéphane Venn, précédée par Jeannette, une chanteuse espagnole née en Angleterre qui a grandi en Californie. Bref, vous voyez le genre, avec « Pourquoi tu vis », version française d'un de ses succès en espagnol de 76. Et là, je ne sais pas quoi faire avec vous si vous n'avez pas aimé ça, parce que c'est en plein genre de petites perles qu'on aime vous faire jouer à Mélomanes. On y va maintenant avec deux noms qui vous diront peut-être pas grand-chose, mais je vous garantis que vous allez connaître leur chanson sur les ondes du 99.1 CFNJ, Gilbert O'Sullivan, mais tout d'abord Jimmy Bohorn en 1975. CFNJ. About God in His mercy, if He really does exist. actually. It seems to me that there are more parts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? What do we do? Au 99.1 et 88.9 CFNJ, c'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Une nuit, je m'endors avec lui. Mais je sais qu'on nous l'interdit. Et je sens la fièvre qui me mord. J'ai l'ombre d'un remords. Et l'aurore m'apporte le sommeil. Je ne veux pas qu'arrive le soleil. Quand je prends sa tête entre mes mains, son visage. un mélomane, CFNJ 99.1, une émission pour les fous de la musique. Mathieu Lajoie avec vous jusqu'à minuit et je vous invite fortement, Neil Lefort avec moi jusqu'à minuit parce qu'il y a plein de belles surprises qui s'en viennent. Faites-moi confiance. On vient tout juste d'entendre la très intemporelle Amoureuse de Véronique Sanson, le vibrato dans la voix, un peu comme les Bee Gees ou même Aaron Neville qu'on va entendre tantôt. Nous sommes en 1972. On dit que l'album du même nom a été à lui seul une véritable petite révolution. La France, qui sortait à ce moment-là d'une période yéyé relativement peu inventive, a apprécié fortement l'arrivée de l'album qui a été un succès immédiat là-bas. Au Canada aussi, d'ailleurs, et j'ai été surpris d'apprendre que ça serait notre cher Gilles Valiquette qui aurait fait distribuer Véronique Sanson ici en la faisant signer chez Warner Canada après avoir porté un intérêt marqué à l'album. C'est pas si surprenant en même temps, Gilles Valiquette, un grand fan de musique en tout genre. Et juste avant, Gilbert O'Sullivan, la même année avec Alone Again, 1972. Alone Again Naturally, entre parenthèses, qu'on connaît tous sans savoir. Excellente pièce, très bien construite. Donc, on parlait de Gilles Valiquette. Eh bien, on l'écoute à l'instant avec sa chanson « Samedi soir » de 1975. Mais tout d'abord, la même année, mais avec « At 17 » de Janis Ian sur les ondes de CFNJ 99.1 et 88.9. At 17, their love was meant for beauty queens and high school girls with clear skin smiles who married young and then retired. The Valentines I never knew, the Friday night charades of youth were spent on one more beautiful. At 17, I learned the truth. And those of us with ravaged faces, lacking in the social graces, desperately remained at home, inventing lovers on the phone, who called to say, come dance with me. It isn't all it seems. It's 17. A brown-eyed girl in hand-me-downs, whose name I never could pronounce, said, pity please the ones who serve, they only get what they deserve. Names

Marie-Hélène vient juste d'avoir 20 ans. Ça fait 6 mois qu'est en appartement. Sur les murs blancs d'un petit 3e étage de rue Saint-Denis, est partie en voyage. Marie-Hélène a pourtant pas d'amant, juste des amis qui viennent de temps en temps fumer son pote, écouter sa musique. Marie-Hélène est une fille sympathique. C'est pas facile d'avoir 20 ans, c'est plus mêlant qu'avant. C'est pas facile d'avoir 20 ans, elle a le temps, tout le temps. En mobylette, en métro ou à pied, Marie-Hélène traverse la société. Née par hasard dans le mauvais pays, au mauvais temps, Marie-Hélène s'ennuie. S'ennuie de quoi? Elle ne sait pas trop bien. S'ennuie de qui? Elle sait encore moins. En attendant, il y a eu 2 mois d'ouvrage, 1 mois d'études, puis l'assurance chômage. C'est pas facile d'avoir 20 ans, c'est plus mêlant qu'avant. C'est pas facile d'avoir 20 ans, elle a le temps, tout le temps. Le temps d'user jusqu'au dernier sillon, son Genesis et sa 5e saison, et d'oublier les mots de Let It Be qui joue la nuit quand tout le monde est parti. Mais Let It Be, c'est déjà l'ancien temps. Marie-Hélène avait même pas 12 ans, et c'est si loin qu'elle le sait plus par cœur, et c'est tout ça qui fait qu'elle a si peur. C'est pas facile d'avoir 20 ans, c'est plus mêlant qu'avant. C'est pas facile d'avoir 20 ans, elle a le temps, tout le temps. Avec Mathieu Lajoie, CFNJ 99.1 dans Toulonnaudière. On vient de savourer Sylvain Lelièvre avec Marie-Hélène en 1976. Un petit clin d'œil comme ça en passant à toutes les Marie-Hélène de la région, j'imagine. La légende veut que... Là, on était supposé passer Los Indios Tabarares. Je ne sais pas pourquoi la chanson n'a pas joué. On va essayer de la remettre un petit peu tantôt. Mais c'était un groupe instrumental, donc on va rester dans l'instrumental pour le moment avec The String-Alongs et Wheels. Thank you.

Suddenly the sun broke through. See the sun. I turned around, she was gone. When did she go? All I had left was one little flower in my hand. But I knew she had made me happy. She had made me flowers in her hair. Breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. That leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Retour à Méloman, Mathieu Lajoie avec vous jusqu'à minuit à l'antenne de CFNJ. Désolé, un peu déconcerté tantôt, une chanson qui a refusé de fonctionner pour une raison obscure. C'était Maria Helena du duo de guitaristes brésiliens Los Indios Tabajaras de 63. C'est plate, on peut faire un beau lien avec Marie-Hélène de Sylvain Lelièvre, mais ce n'est que partie remise. Donc sinon, on vient d'entendre dans l'ordre de String Alongs avec Wheels en 1961. Peter and Gordon, A World Without Love, 1964. Ensuite, The Cow's Hills avec The Rain, The Park and Other Things en 67. Et finalement, celle qui vient tout juste de jouer, Dream a Little Dream of Me de Mama Cass et les Mamas and the Papas en 1968. Tout d'abord, Wheels des String Alongs, succès instrumental que certains d'entre vous ont sûrement reconnu. J'en suis sûr. Écoutez, la musique instrumentale de ces années-là, Je trouve qu'on entend, on en entend trop peu de nos jours. C'est malheureusement une espèce en voie de disparition. On voit souvent des compilations des années 50, 60, mais presque jamais on va y voir de ces pièces-là, instrumentales-là, qui faisaient pourtant partie des palmarès tout autant que les mêmes chansons qu'on nous remet encore et encore. Et c'est pourquoi on va se faire un devoir de ne pas les oublier ici à Mélomane. Ensuite, Peter and Gordon avec A World Without Love, une chanson écrite par nul autre que Paul McCartney, et oui, qui a donné la chanson à son beau-frère du moment, Peter Asher, un des deux membres du duo britannique. D'ailleurs, la chanson qui aurait pu être destinée au répertoire des Beatles est une des deux seules compositions attribuées à Lennon McCartney à avoir atteint le numéro 1 aux États-Unis par un autre artiste que les Beatles. L'autre serait Elton John avec sa reprise Lucy in the Sky with Diamonds en 1974. Et puis, typiquement californien, en 67 et 68 respectivement, The Cowsills et The Mamas and the Papas avec une reprise du standard Dream a Little Dream of Me qui date déjà à ce moment-là de 1931. Une chanson qui a été reprise plus d'une soixantaine de fois, mais qui s'est jamais hissée aussi haut dans les palmarès que par la version des Mamas and the Papas en 68. On y va maintenant avec Charlie Brown, reprise des Coasters. Et là, je veux que vous portiez attention à la guitare de Jérôme Lemay, guitariste sous-estimé. 1959, les Girolas sur les ondes de CFNJ 99.1. Fee-fee-fo-fo-fee-fo-fun. Ça, ça, job dans l'auditorium. Charlie Brown, Charlie Brown, c'est un clown. Charlie Brown, il s'en va se cacher, mais il va se faire pincer. Quoi donc, ça qui fait que tout le monde ne veut pas me lâcher. Qui rit, ou qui crie, qui fait dans la vie des niaiseries. Charlie Brown, Charlie Brown, c'est un clown. Charlie Brown, il s'en va se cacher, mais il va se faire pincer. Quoi non, sacrifie que tout le monde ne veut pas me lâcher. Qui fait des barbeaux sur les murs, qui crache à terre pour faire le dur, qui passe au bébé ses chaussures. Oui, qui, moi? Oui, toi. Qui fait des grimaces aux gens très bien, qui donne des piastres au singe du jardin. Charlie Brown, Charlie Brown, c'est un clown. Charlie Brown, il va se faire pincer, puis il va y goûter. Ben ça qui fait que tout le monde ne veut pas me lâcher. Oui, toi. Qui fait des grimaces aux gens très bien, qui donne des piastres aux singes du jardin. Charlie Brown, Charlie Brown, c'est un clown. Charlie Brown, il va se faire pincer, puis il va y goûter. Voilà ça qui dit que tout le monde ne veut pas me lâcher, puis l'épicier, puis après c'est bouffé. Avec vous, partout dans la Nantière. Depuis 30 ans. CFNJ 99.1 88.9. Pour les prochaines heures, dans le centre et le sud de la Nantière, ciel partiellement nuageux avec un minimum de 18. Dégagement et soleil pour jeudi, maximum 24. Et tout ensoleillé aussi pour vendredi, samedi et dimanche, maximum de 24 vendredi, de 28 et 29 pour le week-end, samedi et dimanche. Et les secteurs du Nord, Saint-Michel et Saint-Zénon, partiellement nuageux pour les prochaines heures, un minimum de 14 degrés. Soleil, quelques nuages pour jeudi, maximum de 22. Et ensoleillé pour vendredi, samedi et dimanche, 25 degrés comme maximum vendredi, 27 et 28 pour samedi et dimanche. CFNJ 99.1 88.9. bord de la vin, je poussa pour descendre à Gaspé. À Gaspé, à Gaspé. Il faisait beau, ça à la vin, je pensais à rien, je pensais à toi. Les chars passaient à toute vitesse, moi je chantais en me grattant les fesses. Di-di-di. Je venais d'arrêter, j'étais pogné pour embarquer. Embarquer! La fille alla jusqu'à Mont-Louis, j'ai dit c'est cool, j'y vais moi ici. Fait qu'on est parti toutes les deux, l'asphalte s'en crissait sous les pneus. Di-di-di. Que je débarque. On est parti, chacun notre bord, moi drait à pied, elle dans son char. Je me suis retrouvé tout seul sur le chemin à marmonner mon petit refrain. Dilou, didou. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1 If you want something to play with, go and find yourself a toy. Baby, my time is too expensive, and I'm not a little boy. If you are serious, don't play with my heart, it makes me furious. But if you want me to love you, then a baby I will. Girl, you know I will. Tell it like it is. Don't be ashamed,

benefits. That's how strong my love is, baby. That's how strong my love is. The Rolling Stones avec That's How Strong My Love Is à l'antenne de CFNJ 99.1 et 88.9. Une reprise d'Otis Redding qu'on a entendu juste avant, lui, dans une reprise de Shake en 1965, une chanson de Sam Cooke qu'il avait enregistrée lui-même un an auparavant. Otis Redding, qui a une carrière écourtée par sa mort intempestive après que son avion soit écrasé alors qu'il n'avait que 26 ans, un artiste intense qui gagne à être découvert. C'est lui, par exemple, qui avait vraiment mis le feu aux planches au légendaire festival Monterey Pop de 1967, avant qu'Hendrix lui vole la vedette en brûlant sa guitare. Un autre artiste qui définit le son de l'étiquette Stax de Memphis, dont on a parlé tantôt. On y reviendra dans une autre émission parce que le thème que vous entendez au début de l'émission, Green Onions, est aussi une pièce nous provenant de Stax. Et sinon, on est resté dans la soul bien intense avec Tell It Like It Is, 1966, d'Aaron Neville. Et juste avant, 1975, La 20, de Plume la Traverse et sa poésie unique. Écoutez des lignes comme « L'asphalte s'en crissait sous les pneus ». Vous ne retrouverez pas ça partout. Et j'ai pas sacré, c'est de la poésie. Écoutez, on enchaîne, sinon je pense qu'on n'aura pas le temps de tout passer. Je me permets exceptionnellement de dédier, bien humblement, les deux prochaines chansons à une amie qu'on vient tout juste de perdre des suites d'un cancer. Elle est partie en paix, mais beaucoup trop jeune. Alors, Audrey, tu vis dans nos cœurs. Sam Cooke, dont on parlait tantôt avec la superbe « Suspendue hors du temps »,« A change is gonna come » sur les ondes de CFNJ 99.1. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. 'Cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. I go to the movie and I go downtown. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother. Say, brother, help me, please. But he winds up knocking me a long time coming, but I know a change gon' come. Oh, yes it will. CFNJ. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. un goût d'inquiétude. Tu voudrais la tendresse malgré ce que tu peux en dire. Mais la peur des caresses t'empêche de sourire. Laisse tous ces petits riens qui font des bleus au cœur. Chagrin qui dévore l'âge de la pudeur s'en iront dans un mois, dans une heure, dans un mois, dans une heure. Laisse tous ces petits riens qui font des bleus au cœur, tous ces jeux que tu joues conduisent à la rancœur. Les miroirs ne font pas le bonheur. Pas le bonheur. Tu maquilles tes yeux gris d'un nuage de lassitude. Il s'imprègne à ta vie comme une odeur d'incertitude. Tu voudrais bien aimer en étant sûr de ne pas souffrir. Se fatigue à force de s'ouvrir. Laisse tous ces petits riens qui font des bleus au cœur, tous ces airs que tu prends pour cacher ta douceur finiront par ternir tes couleurs, par ternir tes couleurs. Laisse tous ces petits riens qui font des bleus. Et ces rires que tu lances quand tu es trop ailleurs, méfie-toi qu'il ne retombe en pleurs, qu'il ne retombe en pleurs. Laisse tous ces petits riens qui font des bleus au cœur, ces chagrins qui dévorent l'âge de la pudeur. S'en iront dans un mois, dans une heure, dans un mois, dans une heure. Ne vieillis pas avant que le soleil ne meure. Car même si la vie prend juste un peu de fraîcheur, elle ne donne pas que des bleus au cœur, pas que des bleus au cœur. Ouf, des souvenirs, en voulez-vous, en v'là. De retour à Mélomane au 99.1 et 88.9 CFNJ. On approche déjà de la fin, donc en rafale, le thème du film La Chèvre de 1981. Et oui, j'ai triché, mesdames et messieurs, une pièce des années 80. Ça se peut qu'on triche comme ça des fois à Mélomane, pourquoi se restreindre? La Chèvre, un film avec le duo Pierre Richard et Gérard Depardieu, qui ont tourné quand même quelques films ensemble. Et on verra plusieurs adaptations américaines de ces films ressurgir au fil des années, dont Danger public ou Pure Luck remake de La Chèvre, justement. Donc, un thème accroche-cœur composé par Vladimir Kozma, qui a signé plein de beaux thèmes de films que je pourrais pas m'empêcher de vous faire jouer à l'occasion. Ensuite, on est resté dans l'instrumental en 1974, cette fois-ci avec notre François Dompierre à nous et son grand succès « Saute-mouton ». Suivi d'une chanson qui vous a sûrement ramené en arrière, c'était Patrick Juvet, chanteur suisse avec les Bleus au cœur en 1977. On reste dans les années 70 avec Gérard Lenormand et Stevie Wonder qui sera bientôt à Montréal à venir sur les ondes. Mais tout d'abord, 1972, I Saw the Light de Todd Rundgren au 99.1 CFNJ. Only you, only you.

Man. 99.1 et 88.9 CFNJ. Oui, de retour à Ménoman à l'antenne de CFNJ 99.1 et 88.9 partout dans l'Anaudière et au-delà. Tiré de son album double de 1976, Songs in the Key of Life, Stevie Wonder avec Ebony Eyes. En fait, la chanson apparaissait originalement sur un petit vinyle 7 pouces qui s'appelait A Something's Extra, qui venait en plus des deux disques qui venaient déjà avec l'album Songs in the Key of Life, que Stevie Wonder interprétera en entier à Montréal le 30 septembre prochain, du moins tout semble l'indiquer. Et j'ai deux amis chanceux qui vont le voir à ma santé, mais c'est pas grave, je l'ai déjà vu. Et tout ça était précédé de la très belle Michelle de Gérard Lenormand en 1976. On y va maintenant avec du bon vieux Sinatra dans ses bonnes années qu'on m'a demandé la semaine passée. Mais tout d'abord, la chanteuse Brenda Lee. Et portez attention au cachet de la pièce et à la voix de Brenda Lee. Dites-vous qu'elle n'avait que 15 ans au moment de l'enregistrement. Incroyable. 1960, I'm sorry, au 99.1 CFNJ. Lips as red as wine broke somebody's heart, and I'm afraid that it was mine. It happened in Monterey without thinking twice. I left her and threw away the key to paradise. My indiscreet heart longs for the sweetheart that I left in old Monterey.

à Méloman, au 99.1 CFNJ. Un peu plus, vous me preniez à chanter seul dans le studio. Elton John en 1972 avec une pièce un peu moins connue, mais tout aussi magnifique, Mona Lisa's and Mad Hatters, tirée de son album Honky Chateau, sur lequel on retrouve une rare photo de lui portant la barbe, anecdote en passant. Et c'était précédé de Lou Reed et Walk on the Wild Side sur l'album Transformer de la même année. Un album financé par David Bowie, d'ailleurs, qu'on aura sûrement l'occasion d'entendre prochainement à l'émission. Je ne sais pas si on va avoir le temps de tout faire jouer. Et c'est pourquoi j'aime mieux vous faire mes au revoir tout de suite. Et oui, c'est déjà tout pour l'émission d'aujourd'hui. Encore une fois, j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi j'en ai eu. On se donne rendez-vous, même heure, même poste, mercredi prochain, 21h, pour une autre édition de Méloman. Bonne semaine et bonne nuit à vous. Et je vous laisse avec Pourquoi le monde est sans amour, 1970, CFNJ. Bonne nuit à tout le monde. Disparaît trop tôt.